Pourquoi doit-on parfois recourir au mensonge ? Dans l'histoire de la philosophie, la controverse ou la polémique la plus célèbre, sans aucun doute, sur le mensonge, cette dimension fondamentale de l'expérience humaine, la polémique la plus célèbre est celle, évidemment, lancée ou plutôt reprise par Emmanuel Kant, le grand philosophe également de l'impératif catégorique dans la morale humaine. Cette polémique où Kant s'opposa à tous les défenseurs du droit de mentir, même pour une exception qu'on pourrait croire morale, Kant s'opposant dans un texte célèbre à ce qu'il appelle un prétendu droit de mentir par humanité. Ainsi, pour Kant, ne peut-on jamais mentir. Même pour sauver la vie d'un innocent poursuivi par des forces barbares, je ne dois pas mentir. Et pourquoi ne devrais-je pas mentir? Eh bien, la raison en est très simple pour Emmanuel Kant, c'est que le principe de la morale, c'est de ne jamais faire quelque chose dont l'universalisation menacerait l'ensemble de la vie humaine, dont la généralisation menacerait les piliers même du respect des humains. Or, le respect de la vérité fait partie de ces conditions de la vie humaine, du respect de la dignité des personnes. Ainsi, le moindre mensonge est tout aussi interdit que le moindre vol, que le moindre meurtre. C'est comme si l'on ébranlait les piliers fondamentaux de la vie humaine. Il est donc toujours interdit de mentir au nom d'un impératif catégorique, c'est-à-dire de faire en sorte que la maxime de mon action puisse être universalisable. Si je ne peux pas universaliser le mensonge, alors il ne peut pas même y avoir d'exception. Et pourtant, dans les exemples mêmes qui ont été opposés à Kant à l'époque, on peut voir non seulement un droit de mentir, mais j'irai même plus loin, un devoir de mentir, un devoir d'exception au nom d'un autre universel, d'un autre impératif catégorique, celui de sauver l'innocent menacé par une injustice. Le mensonge, en effet, ne se caractérise jamais seulement par le fait de ne pas dire la vérité ou de dire quelque chose de faux sciemment, mais aussi de le faire dans l'intention de nuire. Or, si l'intention est ici non pas seulement de préserver, comme un médecin qui ne dira pas toujours la vérité, mais vraiment de sauver la personne contre une injustice majeure, alors peut-être que ce mensonge, comme dans tout conflit de devoir, non seulement peut, mais doit être pratiqué. Il y a certains cas qui supposent un examen antérieure et postérieure, où l'on doit sans doute recourir au mensonge, où le mensonge, qui est en effet un interdit majeur dans les relations humaines, devient non seulement une possibilité, mais lui-même quelque chose qui témoigne d'un impératif catégorique, l'idée que l'on doit avant tout, justement, préserver ce qui menace les êtres humains entre eux, les traiter non seulement chacun comme une fin et chacun de façon bonne, mais aussi en luttant contre le mal et la violence qui les menace de l'intérieur.